Grâce aux bienfaits du Parti du Travail de Corée, les enfants des régions sinistrées de la province du Hangang du Nord vont séjourner à la colonie de vacances internationale de Sandowon. La direction de l'éducation extrascolaire des jeunes et enfants du comité central de l'Union de la jeunesse kimilsoniste et kimjongniste établit de manière diversifiée le programme du campement pour que les enfants gardent un souvenir précieux.